Moi je nageais dans son ventre, elle me caressait tous les quarts d'heure. Elle souffrait durant l'attente, pendant que je me prenais pour un boxeur. Sans voir elle m'aimait à mort, elle avait si peur de me faire peur. Elle a un mental si fort, moi je veux une femme comme ma mère. Elle pense à moi chaque seconde, prendre mes nouvelles tous les quarts d'heure. Quand elle ressent des mauvaises ondes, direct elle surveille mes arrières. Et quand j'ai le cœur en cendre, elle fait tout pour que je ressente l'inverse. J'ai beau faire le tour du monde, mais je veux finir auprès de ma mère. Maman, je t'aime à la folie, je te veux pour la vie. Il faut que je lui dise que je l'aime, faut que je lui éprouve avant qu'elle parte. Pardonne-moi pour mes folies, j'espère t'avoir toute ma vie. Tu sais que j'ai un grand cœur, mais je tue pour la maman. Je tue pour toi maman, voilà, je tue pour toi maman. Tu sais que j'ai un grand cœur, mais je tue pour la maman. Je tue pour toi maman, voilà, je tue pour toi maman. Tu sais que j'ai un grand cœur, mais je tue pour la maman. Il se lève à 6h du mat en espérant de nous voir sourire. Sac sur sac, de grave à poser sur son dos en espérant de pas nous voir souffrir. Le dos abîmé, il dort plus de la nuit en cherchant comment supprimer l'ennui. Mon papa rappelé, si dehors il pleut, il nous fera un abri. Oui, il veut que je retrousse les manches et non pas que je fasse la fête. Il veut que je sois sa revanche, pas que j'enchaîne les défaites. Et quand j'ai le cœur en cendre, il fait tout pour que je ressente l'inverse. J'ai beau faire le tour du monde, mais je vais finir auprès de mon père. Papa, je t'aime à la folie, je te veux pour la vie. Il faut que je lui dise que je l'aime, faut que je lui prouve avant qu'elle parte. Pardonne-moi pour mes folies, j'espère t'avoir toute ma vie. Tu sais que j'ai un grand cœur, mais je tue pour mon papa. Je tue pour toi papa, voilà, je tue pour toi papa. Tu sais que j'ai un grand cœur, mais je tue pour mon papa. Je tue pour toi papa, voilà, je tue pour toi papa. Tu sais que j'ai un grand cœur, mais je tue pour mon papa. Mama, mama, tu sais que j'ai un grand cœur, mais je tue pour la mama. J'ai un grand cœur, mais je tue pour mon papa.